Chapitre 4. Oh, mon pauvre Drago, roucoula Millie. Tu es complètement trempé. Tu veux une cape sèche? Drago n'arrivait pas à savoir si elle était gentille ou si elle se moquait de lui. Sa voix était bien trop douce et elle minaudait trop pour que ce soit sérieux. Il te faut un vêtement de pluie, déclara Granger. Je suis sûre que quelqu'un en a un. Elle regarda autour d'elle comme si elle essayait de deviner qui avait le plus de chances d'en avoir un. « Je porte un vêtement de pluie, » dit Drago, agacé. « C'est enchanté pour repousser l'eau. Ça coûte une paire de galions en plus qu'une cape normale. Ça n'aide pas des masses, si. » « Je parlais d'un imperméable moldu. Tu as seulement essayé de te protéger avec de la magie. Tu devrais... »« Non, je ne devrais pas, » s'écria Drago. Je n'ai pas besoin de ton stupide imperméable moldu. Drago avait vu des premières années nés moldus avec des manteaux rigides aux couleurs vives. Ça amuserait probablement Granger de voir Drago dans une de ces choses, hideuses et inconfortables. Il y avait une raison pour laquelle les gens se débarrassaient de leur imperméable moldu après avoir réalisé qu'ils pouvaient se protéger de façon plus élégante avec la magie. D'accord, la magie ne marchait pas vraiment pour Drago en ce moment, mais il ne voyait pas de raison de penser qu'un manteau moldu marcherait. Les vêtements qu'il avait enlevés étaient complètement foutus. Ce n'était pas de la pluie normale. C'était une torture minutieusement exécutée, insensible à toute forme de protection. Le nuage était absolument maléfique. Drago en était sûr. Granger haussa les épaules. Très bien. Weasley s'éclaircit la gorge et désigna le plateau d'échecs posé sur la petite table devant eux. « Tu es en train de perdre, » informa-t-il Goyle. « Il sait ça !» cracha Drago. Weasley le fixa attentivement. Tu as pris de ce filtre calmant que t'as donné pomme fraîche. C'est le moment pour une deuxième ration, tu ne crois pas? Drago fit une grimace et détourna le regard. Une douzaine d'insultes lui montèrent aux lèvres, mais il les retint. Quel intérêt! Il n'y avait personne ici qui se moquerait de Weasley avec lui. Personne ne ricanerait devant Granger ou ne lancerait un regard noir à Potter, une fois que celui-ci lui ferait l'honneur de sa présence. Goyle n'était pas d'une grande aide. Millie et Nott n'avaient jamais été ses amis. Ils ne connaissaient même pas Daphné. C'était une petite souris timide qui ne se mêlait pas aux autres. Blaise avait passé ses aspics, l'un des rares qui avait réussi à le faire. Il avait passé toute l'année précédente à bosser pendant la nuit, tandis que les autres étaient trop occupés à craindre pour leur vie. Blaise avait toujours été très dur à émouvoir. Même les carreaux n'avaient pas réussi. Fancy était revenue à Poudlard avec Drago, mais elle était partie dès qu'elle avait compris qu'il partagerait une tour avec les autres maisons. Potter devait avoir été son plus gros souci. Il ne lui avait pas adressé la parole, mais beaucoup d'autres lui avaient jeté des regards mauvais. Drago avait entendu Finnegan murmurer « Le culot qu'elle a ! Venir ici après ce qu'elle a fait !» Fancy avait entendu aussi, et Finnegan n'était pas le seul. Le jour suivant, Fancy avait fait sa valise et dit « J'ai pas besoin de ces conneries !» Et elle était partie. Drago se trouvait partagé entre l'énervement et la culpabilité. Énervement parce que Fancy avait laissé tomber bien trop facilement. Elle ne pouvait pas s'attendre à être accueillie à bras ouverts. Si seulement elle avait tenu bon, gardé la tête haute en grinçant des dents, le culot que les Gryffondors l'accusaient de posséder avait de bonnes chances de lui gagner leur respect. Au moins de la part de quelques-uns d'entre eux, sinon de tous. Et la culpabilité, parce qu'il savait qu'elle lui dirait « Facile à dire, pour toi ». Et c'était vrai, même si Drago ne s'était pas attendu à ce que ce soit le cas quand il était arrivé à Poudlard. Il y avait un peu plus d'un mois de cela. Tout le monde savait que Pansy s'était levé dans la grande salle ce jour-là et avait voulu qu'on livre Potter au Seigneur des Ténèbres. Personne ne savait que Drago avait essayé de faire de même dans la salle sur demande. Personne sauf Potter, Granger et Weasley, bien sûr. Mais pour une raison incompréhensible, ils n'avaient pas rendu cette information publique. Anna Abbott avait tapoté son bras un jour et lui avait dit qu'elle avait entendu dire qu'il avait hésité à identifier Potter quand Greyback l'avait ramené au manoir Malfoy. Dean Thomas lui avait dit qu'on lui avait dit que sa mère avait menti à Voldemort et avait sauvé la vie de Potter comme ça, et il avait voulu que Drago lui dise si c'était vrai ou non. C'était les seules choses que le trio semblait avoir dites aux autres. L'image qu'il renvoyait était bien plus flatteuse que la réalité. Ses camarades ne l'aimaient quand même pas. Drago s'en rendait bien compte, et il s'en moquait. Il ne les aimait pas non plus. Mais il n'avait jamais été victime de la franche hostilité dont Pansy avait été la cible. Drago lança un regard furtif à Granger et Weasley qui riaient et s'embrassaient sur le fauteuil à côté de lui. Avec seulement quelques mots, ils auraient pu faire de sa vie à Poudlard un enfer, mais ils avaient choisi de ne pas le faire. Est-ce qu'ils pensaient qu'il était déjà assez pitoyable comme ça? Est-ce qu'il attendait simplement leur heure? Espérait pouvoir le faire chanter bientôt? Ou le détruire au moment où il s'y attendait le moins? Est-ce que leur silence était la décision de Granger? Est-ce qu'elle avait pitié de lui comme elle avait pitié des pauvres elfes de maison? Ou bien est-ce que c'était Potter qui leur avait demandé de ne rien dire juste pour montrer à Drago tout le pouvoir qu'il avait sur lui? « Tu me dois tout », semblaient lui dire les yeux de Potter chaque fois qu'il avait le courage de les regarder. « Sérieusement, Malfoy ?» Drago cligna des yeux. Weasley le fixait avec de grands yeux. « Il te faut plus de filtres calmants. Tout de suite. » C'est seulement là que Drago remarqua que le bruit de la pluie s'était fait assourdissant. De grosses gouttes serrées tombaient en rideaux. Drago jeta un œil rapide au-dessus de lui et vit que le nuage avait doublé de taille et s'était assombri. Il était quasiment noir, illuminé seulement par des éclairs occasionnels. La chemise de Drago commençait à coller à sa peau. Il fallait vraiment qu'il change de cap. Il n'y avait pas grand espoir dans le filtre calmant, par contre. Fin du chapitre 4. Chapitre 5. La porte de la salle commune s'ouvrit d'un coup et deux silhouettes encapuchonnées entrèrent, chacune faisant léviter deux caisses de bois à côté d'elle. Un grand cri de joie parcourut la pièce, couvrant pour un moment le bruit de la pluie. Granger bondit sur ses pieds et inspecta les visages joyeux avec suspicion. « Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces caisses, Harry ?» Drago tendit le cou pour voir Potter et Londubat retirer leurs capuches. Ils arboraient tous deux un large sourire. Les yeux de Potter croisèrent ceux de Drago, et il cessa de sourire aussitôt. Il cligna des yeux, ouvrit la bouche, et puis se dépêcha de reporter son attention sur Granger. « De la bouffe, des boissons et des trucs » dit-il. « Pour la fête, demain ?» Granger n'était pas satisfaite. « Quel genre de boisson ?» Potter déposa les caisses au sol et ouvrit la plus grande d'un geste théâtral de sa baguette. Drago ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais Potter fournit rapidement la réponse à cette interrogation. « De la bière au beurre, » dit-il, et puis il ajouta « Évidemment », comme s'il s'était senti insulté qu'on insinue que ce puisse être quelque chose d'autre. « Tu plaisantes ?» Millie se jeta vers la caisse. Elle fit la grimace en découvrant le contenu et puis jeta un regard haineux à Potter. « Il est totalement sérieux, » dit Londubat avec un clin d'œil pas discret en direction de Granger. « Oh, pour l'amour de Dieu !» dit Granger en croisant les bras sur sa poitrine. « Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas trouver ce qu'il y a vraiment dans ces bouteilles. »« Pas si elles sont enchantées pour se transformer en bière au beurre dès que tu les touches, » répondit Potter. « Vraiment ?» Granger avait l'air impressionné. « Non, » reconnut Potter. « Je n'ai pas réussi à trouver comment faire, mais j'ai vraiment fait des efforts, et j'ai lu un gros livre pour ça. » Drago ne pouvait pas voir le visage de Granger, mais il soupçonnait qu'elle souriait. « Harry, » dit-elle, mais avec moins de colère, « on a à peine réussi à convaincre McGonagall de nous laisser organiser cette fête. On ne peut pas se bourrer la gueule. Elle serait si déçue. Elle ne nous ferait plus jamais confiance. »« Hermione, » dit Harry en imitant son ton sérieux, « tu es en train de contempler le chemin de l'unité intermaison. » Il désigna la caisse du doigt. « Ne le détruis pas. » Plusieurs personnes se mirent à rire. Drago détourna le regard et cessa d'écouter. La fête était l'idée de Potter. Lui et Granger avaient demandé la permission à McGonagall, disant que c'était ce dont ils avaient besoin pour se sentir comme une vraie maison, et pas comme quatre maisons collées ensemble à cause des circonstances. Le problème avec ce plan était qu'ils étaient quatre maisons collées ensemble à cause des circonstances. Ils n'appartenaient pas à la même maison, et peu importait la quantité d'alcool, ils ne l'oublieraient pas. La seule chose qu'ils avaient en commun, c'était qu'ils ne se faisaient pas confiance et qu'ils faisaient montre d'un sale caractère. Les gens avaient choisi leurs amis, formé leurs alliances et désigné leurs ennemis 7 ans auparavant. Ça ne changerait pas aujourd'hui. Granger avait probablement raison d'être inquiète. Sobre, les gens pouvaient se contrôler. Ivre, les vieilles animosités feraient à nouveau surface. Et la fête se finirait dans les larmes et les maléfices. De notre côté, si ça arrivait, le courroux de McGonagall serait dirigé vers Potter et Granger. Et c'était quelque chose que Drago anticipait avec jubilation. « Joli nuage !» Drago serait dit. Potter se tenait juste à côté de lui. Drago leva la tête et renifla. « Il te plaît? Serre-toi! » Drago leva la main et attrapa l'avant-bras de Potter. Le nuage réagit immédiatement. Il s'étira au-dessus de Potter et fit dégouliner de généreuses quantités de pluie sur lui. Potter s'étouffa en recrachant de l'eau, mais, au désarroi de Drago, ça le fit rire. « T'es pire que l'orage dehors !» dit Potter en libérant son bras et en reculant. Il lécha les gouttes de pluie sur ses lèvres et son sourire disparut. Drago réalisa aussitôt son erreur. Il n'aurait pas dû laisser Potter goûter la pluie. Maintenant, il savait. Les gouttes de pluie étaient salées, pas vraiment comme de la pluie, plus comme des larmes. Drago ne savait pas ce que ça voulait dire, mais il n'aimait pas l'expression que prit le visage de Potter. Les yeux verts se remplirent de pitié. « Ce n'est pas mes larmes, » voulait dire Drago. « C'est le nuage. » Mais c'était son nuage, alors ça devait être ses larmes. Il n'avait pas voulu se retrouver avec ça au-dessus de la tête, mais c'était lui qui l'avait fait apparaître. Potter enleva sa cape et jeta plusieurs sorts dessus et la plia sur son bras, comme un servant la tiendrait pour son seigneur. Il regardait Drago avec l'air d'attendre quelque chose. « Il te faut vraiment une cape sèche. »« Non, et j'en ai une dans mon dortoir. » pensa Drago, en se levant pour enlever sa cape trempée. Il laissa Potter passer sa cape au tissu chaud et épais autour de ses épaules, complètement dégoûté par sa propre attitude. Il aurait dû au moins faire semblant de refuser, ne pas se laisser convaincre si facilement. Mais il y avait quelque chose de fascinant dans le fait de laisser Potter l'envelopper de sa cape. L'espace d'une infime seconde, on aurait pu croire à une étreinte. Cela perturba Drago et l'empêcha de réagir quand Potter passa devant lui pour fermer la graffe, ses doigts effleurant la gorge de Drago. Des gouttes de pluie restaient accrochées dans les cheveux de Potter, et d'autres s'abattaient sur son visage et ses mains. Drago se balança avec gêne et détourna le regard. Il se sentait nu. C'était presque comme s'il avait été en train de pleurer sur Potter, de le couvrir de ses larmes. « De rien, » dit Potter. Drago ne se rappelait pas lui avoir dit merci. « Pourquoi diable aurait-on besoin des bombes à bouse ?» se plaignit Granger à l'autre bout de la salle. Drago se retourna pour voir qu'il examinait le contenu d'une des caisses avec les autres élèves. Personne ne payait la moindre attention à Potter et lui. Potter se hâta de rejoindre Granger. Drago avait déjà à moitié envie de lui jeter un sortilège séchant, vu que Potter semblait avoir oublié de le faire lui-même. « Viens t'asseoir ici, » dit Goyle, et Drago accepta avec reconnaissance son fauteuil. Celui qu'il avait occupé précédemment ressemblait plus à une piscine qu'à un siège. Drago essaya de le sécher sans conviction, mais ça ne marcha pas. L'eau s'accrochait au fauteuil et résistait au sort avec acharnement. Drago releva sa capuche et s'enroula davantage dans la cape de Potter. Elle sentait l'automne et l'herbe et les pommes vertes. Et Drago inspira à fond. « Il ne pleut presque plus maintenant, » dit Goyle depuis le fauteuil que Weasley et Granger avaient abandonné. C'était vrai, le nuage avait rétréci à nouveau et il avait l'air plus clair. Et puis... commença Goyle en souriant. Il pointa le plateau d'échecs entre eux. Ses pièces étaient maintenant du côté de Drago. « Tu es en train de perdre. » Drago renifla, et puis surprit Potter en train de le regarder depuis l'autre bout de la pièce. « Pas pour longtemps, » dit-il avant d'ordonner à son cavalier, tout tremblant, de se sacrifier. Fin du chapitre 5. Chapitre 6. Un truc énorme et argenté explosa devant Drago. Il cligna des yeux, regarda autour de lui et arriva à la conclusion qu'il avait été en train de rêver. Il était encore tôt. La salle commune était silencieuse, en dehors de Goyle qui ronflait sur le fauteuil à côté de lui et des bûches qui craquaient dans la cheminée. Il n'entendait pas de pluie. Il ôta sa capuche, regarda en l'air et fronça les sourcils en avisant le nuage qui se trouvait toujours au-dessus de sa tête. Il ne pleuvait plus, cependant, et même si les vêtements de Drago étaient humides et inconfortables, ils n'étaient pas complètement trempés. Drago se releva d'un bond avec un grand sourire et se précipita hors de la salle commune. Il eut presque envie de faire disparaître le nuage lui-même avant d'arriver à l'infirmerie, mais préféra ne pas prendre de risques. Il valait probablement mieux laisser Pomme Fraîche s'en occuper. Il était sûr qu'elle y arriverait. La pluie s'était arrêtée et le nuage n'avait pas l'air menaçant. Malheureusement, il s'était laissé emporter par son enthousiasme. C'est ce que Pomme Fraîche avait dit quand sa dernière tentative pour faire disparaître le nuage échoua. Elle avait commencé par râler et faire remarquer qu'il était 5 heures du matin. Même son filet à cheveux semblait en colère. Cette fois-ci, elle était armée de sortilèges que Drago n'avait jamais entendus auparavant. Mais aucun d'eux ne fit effet. Quand il ressortit de l'infirmerie avec un nouveau flacon de filtre calmant et de la fumée qui lui sortait des oreilles à cause d'une nouvelle dose de pimentine, il pleuvait à nouveau. C'était samedi et le château était silencieux, à part pour un coup de tonnerre de temps en temps. Drago était sûr que ça venait de dehors et non pas de son nuage. Il monta à son dortoir et en profita pour prendre une longue douche tranquille. Il se changea et, à regret, mit de côté la cape de Potter. Elle était loin d'être sèche, mais elle lui avait porté chance. Elle l'avait gardée au chaud durant toute la nuit, et elle sentait bon. Pas que les vêtements de Drago ne sentaient pas bon, mais l'odeur de Potter avait quelque chose de plus attirant. Drago se tira de ses pensées qui ne menaient à rien et descendit aux cuisines. Les elfes se montraient toujours très heureux de lui servir à manger et du jus de citrouille. Ils lui firent des courbettes et lui dirent qu'il avait un très joli nuage, demandant si c'était une nouvelle mode sorcière. 3 éclairs au chocolat plus tard, il se sentait suffisamment bien pour écrire à ses parents et leur demander de lui envoyer des capes, des robes et, si possible, quelqu'un capable de le soigner s'il pouvait en trouver un. Il revint à la salle commune. Le centaure le força à dire « Je ne ris ni ne souris tant que mes devoirs ne sont finis » avant de le laisser entrer. Il fit apparaître un nouveau morceau de parchemin, de l'encre et la plume à papote de Susan Bones. Puis, il essaya d'écrire une lettre à sa mère. « J'ai eu un petit problème en cours. Rien de grave. Mais j'ai besoin que tu m'envoies de nouveaux vêtements, » dit-il à voix haute. « Mère, je t'en supplie, envoie-moi une cape. Je suis emplie de rage et de désespoir. » Mes camarades se moquent de moi. Aie pitié du fruit de tes entrailles et ne le laisse pas contempler seul sa propre damnation. » écrivit la plume à papote. Drago jeta le parchemin dans la cheminée et laissa tomber. Il n'avait pas envie de pleurnicher auprès de sa mère de toute façon. À la place, il but tout le filtre calmant et se rendormit. Seulement quelques minutes semblaient s'être écoulées quand Drago fut réveillé par un tremblement de terre. Une faille géante s'ouvrit au milieu du terrain où était posé le château et l'abysse qui venait de se creuser se transforma en une bouche qui beuglait. « Malfoy! Putain, Malfoy! » Drago grimaça et ouvrit les yeux. L'abysse se révéla être Potter. Ses doigts étaient enfoncés dans les épaules de Drago et il le secouait impitoyablement. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? » hurlait Potter. Il avait l'air terrifié. Et trempé. Drago essaya de se redresser, mais ses membres étaient lourds et sa tête semblait trop grosse pour que son cou la supporte. Il regarda autour de lui avec des yeux bouffis. Ils étaient au moins une 20aine d'étudiants, tous en pyjama, trempés, qui le regardaient avec de grands yeux et des visages mécontents. « Je vous l'avais dit !» s'écria Ernie. « Je vous avais dit que ce nuage était maléfique, mais non, personne ne voulait me croire. « Il ne va pas s'en prendre à nous, Ernie. Ne sois pas stupide, Ernie. »« La ferme, Ernie, » dit Millie. Potter les ignora. Il arrêta de secouer Drago et le relâcha brusquement. Drago remarqua que Potter avait un flacon vide dans la main. « C'est quoi, ça ?» La voix de Potter était si sévère que Drago se retrouva à lui répondre sans le vouloir. « Du filtre calmant ?» dit-il un peu surpris. « Est-ce que... » Potter pensait que Drago avait essayé de se suicider. Est-ce que tout le monde pensait ça? Drago jeta un regard aux autres. Ils avaient l'air agités. Je pensais que ça agirait plus vite, c'est tout. Cela dit, je suppose que j'aurais dû vous en garder. On dirait que vous en avez besoin, ajouta-t-il avec ressentiment. Il regarda Potter et se retrouva à fixer son bas de pyjama. Le tissu était blanc avec de gros pois rouges et c'était bien trop grand pour les jambes maigrichonnes de Potter et sa taille fine. Le vêtement avait l'air d'avoir 100 ans. Son t-shirt lui allait mieux, si on en jugeait par les couleurs vibrantes du suédois à museau court dessiné sur le devant. Le dragon crachait des flammes d'un bleu électrique et avait l'air aussi furieux que Potter. Cependant, Potter avait arrêté d'avoir l'air furieux pour le moment et à la place regardait ce qui lui servait de pyjama avec gêne. Drago se rendit compte qu'il l'avait fixé avec insistance. Il détourna le regard et trouva Goyle dans la foule. Contrairement aux autres, Goyle était tout habillé, dans ses vêtements de la veille, et blanc comme un linge. Il ne semblait pas en état de répondre à des questions. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» lui demanda Drago malgré tout. Weasley répondit. « Ça fait un quart d'heure qu'on essaie de te réveiller. Tu ne bougeais pas d'un poil. Tu respirais à peine. Et ton nuage faisait la moitié de la pièce et lançait des éclairs partout, » ajouta Ernie. Personne ne rectifia, donc Drago en déduisit qu'il n'exagérait pas. Il se demandait s'il s'attendait à ce qu'il s'excuse. « Le filtre calmant est supposé aider, » s'entêta-t-il. « En petite dose. » Granger parla d'une voix douce, comme si elle craignait de l'énerver avec ses connaissances. Drago savait aussi comment le filtre calmant fonctionnait. Il fallait être prudent avec. Si on en buvait trop peu, rien ne se passait. Si on en buvait trop, ça risquait d'exciter plutôt que de calmer. Mais boire le flacon entier avait semblé être une bonne idée quand il l'avait fait. Drago voulait juste se rendormir. Ça avait marché la fois d'avant. Il se frotta la joue. Elle était brûlante et douloureuse. « Est-ce que quelqu'un m'a giflé ?» Il jeta un regard mauvais à Potter. « C'était Neville !» se hâta de répondre Potter. « Hé !» s'écria Londuba. « C'était Hermione !» Les lèvres de Potter frémirent. « J'essayais d'être un gentleman. » Granger semblait fasciné par ses ongles et les étudiait avec soin. « Évidemment, c'était elle !» pensa Drago. Granger avait toujours bien aimé le gifler. Agacé, il essaya de se relever, mais Potter le repoussa en arrière. « Brute !» cracha Drago. « Crétin imprudent !» répliqua Potter. Drago eut un sourire moqueur. « Ton inquiétude me touche, Potter. » Les lèvres de Potter se pincèrent tellement qu'elles lui rappelèrent McGonagall. Fin du chapitre 6.